l'arrêt pas de 4-4 sans le bougie. L'ambiance ira pas si foiré. Personne ne sort plus droit sans le fougie. Pour que je n'aisse pas foiré. Les plus féroces pour faire fuir. Ouvre le corps du fer, dire. Ça commençait déjà à l'époque sur un parking. Les deux frères on sortait les gars quand j'avançais le beat down. Les textes sont plus précoces de nuit. On a déjà des coches depuis. Ah, I need money. 9-3, voiture mine. Décalibré là, le jean. Détermination, ma gueule, sponsor en équipe. Pour tout ça, j'ai de la repu. Tout ça, de l'or, tout pour voler ma rage. Moi, si j'ai la main, j'appelle le prisonnier de la guerre pour régler le conflit. I need the money. Money. Money. Money. Ramène ton équipe, money, etc. J'ai mes blessures de guerre. Plus de vacances, plus week-end. Haram peut t'emmener en enfer. Donc ça reste du haram, yes, week-end. Je t'envoie dans le décor. Qu'est-ce que tu vas pouvoir partir, moi, tu? Pour un jeu trouvé sur man, on m'a rechargé ta chute balayée. Des rappeurs, des jurats, j'ai ton sang, tu l'as dans le cul. Yep, gang so man. Rola, les chips m'accompagnent. On les claque, on t'a pas vu ma plaque. On les brasse à la balle, on les mac, on gagne. Maintenant, crie ça, mets le prix. Maintenant, dis ça, en plus, dis ça, 9-3, tu moi déjà gamin, j'avais tout compris, j'ai le nerf de la